Bonjour Jean Lebrun. Bonjour Yves. Avec aujourd'hui une nouvelle restitution de débat parlementaire. 1825, ce que vous allez entendre date de la Restauration, loi sur les sacrilèges. Nous partons pour le théâtre du Vieux Colombier. Quel juif souffrirait tranquillement qu'un étranger vînt jusque dans sa synagogue s'emparer du livre de la loi et le mettre en pièces? Quel est le mahométan qui laisserait profaner sa mosquée? Quelle est la nation païenne qui verrait de sang-froid renverser les statues qu'elle adore? La séance est ouverte au Vieux Colombier avec les comédiens français. Avril 1825, la loi sur les sacrilèges. Nous nous accoutumons à l'actualité telle qu'elle est. En 2015, mais convenons-en, il y a peu d'années, l'objet du débat parlementaire de 1825 que nous allons restituer aurait paru extrêmement incongru. Faut-il que la loi de l'État punisse les sacrilèges et comment ? Ce débat a paru tel aussi à bien des Français de la Restauration qui considéraient comme acquise l'abolition en 1791 des délits de sorcellerie, d'hérésie, de blasphème et de sacrilège. Dans les années 1816-1820, Louis XVIII régnant avec prudence et son favori d'Ocase gouvernant dans un esprit d'ouverture, pareil grand bond en arrière n'aurait d'ailleurs pas paru concevable. Mais en 1820, le duc de Berry est assassiné. Decazes est écarté. En 1824, Louis XVIII remplacé par son frère Charles X. Celui-ci a beaucoup d'aisance quand il monte à cheval, mais peu d'intelligence quand il s'agit de comprendre l'époque. La Chambre, qui est élue cette même année, est très réactionnaire. Elle repose sur une base sociale extrêmement étroite. 100 000 électeurs, soit un Français, homme, sur 100, généralement propriétaire de province, payant à ce titre un cens élevé. L'intention affichée par les députés de la majorité, issus de ce scrutin restreint, et d'en finir avec la Révolution en substituant à la défunte Déclaration des droits de l'homme une Déclaration des droits de Dieu. La loi sur les sacrilèges que présente en avril 1825 le garde des Sceaux Perronnet propose la prison pour qui volerait dans les églises, les travaux forcés pour qui déroberait les vases sacrés hors du tabernacle et la peine capitale pour qui violerait ce tabernacle où reposent les hosties que le prêtre va consacrer ou a déjà consacré le corps et le sang du Christ. Quel que soit le choc que provoque pareille détermination, la Chambre de 1825 ne perd pas son flegme. Il faut comprendre qu'elle ne recrute pas dans des partis, mais dans des salons. Ses membres sont pour une bonne moitié des nobles. Ils portent habits bleu roi, à broderie fleur-de-lysée. Monseigneur Frayssinous va de l'un à l'autre dans sa soutane froufroutante. Les tribunes sont emplies de femmes du monde qui guettent Benjamin Constant, le grand écrivain séducteur. La présidence est assurée par Auguste Ravez. France Inter, la marche de l'histoire au Vieux Colombier avec la Comédie Française, Jean Lebrun. La parole est au comte Ferdinand Berthier de Sauvigny, député de la Seine. Messieurs, pendant la Révolution, nous avons vu notre patrie couverte d'instruments de supplice. L'élite de toutes les classes de la société tombée sous la hache révolutionnaire et cette série de forfaits politiques couronnée par le plus grand de tous, la mort du roi. Cependant, les ministres des hôtels, poursuivis, outragés, entassés dans de vastes prisons, périrent dans des massacres organisés et donnèrent à l'Église de France de généreux confesseurs et d'illustres martyrs. Nous avons vu l'impiété s'attaquant à la divinité elle-même profaner les temples, employer les vases sacrés aux usages les plus vils, souiller nos autels et, réalisant ce vœu exécrable que ma bouche ose à peine répéter, écraser l'infâme, consommer le plus grand de tous les crimes en portant des mains sacrilèges sur la personne même du Fils du Dieu vivant, présent dans nos temples par un miracle de sa toute-puissance et de son amour. Nous avons vu La désolation dans le lieu saint, la maison de la prière transformée en un lieu de débauche, un culte infâme remplacé celui du dieu des chrétiens, des idoles de chair placées sur ces autels, et ces hommes si fiers, qui dans leur orgueil insensé refusaient leurs hommages au vrai dieu, nouveau sectaire d'une religion nouvelle, adorer la raison triomphante sous la figure d'une prostituée. Le roi, messieurs, veut faire cesser ce scandale. Un projet de loi sur le sacrilège et le vol sacrilège vous est présenté. Après une longue et funeste révolution qui a attaqué toutes les croyances, qui a ébranlé tous les principes fondamentaux de la société, après tant d'outrages à la divinité, tant de profanations, vous penserez qu'il est du devoir des législateurs de rappeler les peuples au profond respect dû aux lieux saints, aux choses saintes. Vous penserez qu'il faut arrêter enfin ces profanations sacrilèges qui, depuis quelque temps, affligent si souvent les âmes pieuses et chrétiennes, qu'il est temps de rassurer les cœurs fidèles et d'en imposer par la crainte des lois pénales à ceux que la crainte des jugements de Dieu ne peut contenir. La parole est à Pierre Alpinien Bourdeau, député de la Haute-Vienne. Messieurs, combien de sang a été répandu sous des prétextes religieux ? Et par quelle fatalité se fait-il qu'on vienne encore, au nom d'une religion de miséricorde, nous entretenir d'échafauds et de supplices. Non que je veuille rester indifférent aux outrages faits à cette religion, dans laquelle j'ai eu le bonheur de naître et où j'espère vivre et mourir. Non assurément qu'il soit entré dans ma pensée de refuser le secours de la loi à la société blessée dans ce qu'elle a de plus cher, de plus respectable et de plus sacré. Mais que la justice humaine s'arrête là. Pour nous, faibles créatures, humilions-nous devant la majesté divine et ne soyons pas assez téméraires pour substituer à la bonté et à la clémence infinie nos erreurs, nos faiblesses et nos passions. La parole est à M. Deveau, député du Cher. Messieurs, une des plus grandes erreurs de l'esprit humain, écrite en traits de sang dans l'histoire de tous les peuples, fut de vouloir venger la divinité. La venger ou l'honorer par des sacrifices humains, l'idée est la même. Ce n'est pas une loi civile qu'on veut faire, c'est un hommage qu'on veut rendre à la religion. Mais qu'est-ce qu'un hommage à la religion si ce n'est une profession de foi de ses dogmes? Mais qu'est-ce qu'une loi qui fait une profession de foi? Mais qu'est-ce encore qu'une loi civile qui prétend inspirer la piété? Quel hommage d'ailleurs à la religion qui pardonne que de lui dire « Nous exterminerons tous ceux qui profaneront nos saints mystères ». Quelle leçon de piété que celles écrites dans des arrêts de mort. Cette loi est la plus grande conquête de la puissance religieuse sur la puissance civile. La parole est à M. Jean-Bernard de Figarol, député des Basses-Pyrénées. Messieurs, ce n'est pas à vous que j'ai besoin de rappeler tout le bien que la religion a fait aux hommes en les retirant de la barbarie, en adoucissant leurs mœurs et en leur procurant les avantages inappréciables de la civilisation. Vraie source de toutes les vertus, elle est la seule voie qui puisse les conduire à la perfection par les règles qu'elle a établies et par les devoirs qu'elle leur impose. C'est elle qui donne des bons citoyens à la patrie, des sujets soumis et fidèles au roi. Vrai fondement de la société, ennemi des désordres et des révolutions qui la troublent, elle est le plus ferme appui des trônes et la plus sûre garantie du bonheur social. Ce n'est donc pas Dieu que la loi venge, c'est la société qu'elle défend. Je donne la parole au ministre des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique, Monseigneur Frayssinous, évêque d'Hermopolis. Monseigneur. Messieurs, l'histoire raconte qu'un grand prince, venant d'apprendre que ses statues avaient été mutilées, loin d'écouter ceux qui l'exhortaient à venger cette insulte, porta la main sur son front en disant « Je ne me sens pas blessé ». Ces paroles sont belles, dignes d'un prince généreux, d'un empereur chrétien. Mais ceux qui voulaient réprimer cette injure avaient raison. Car si de tels outrages restaient impunis, que d'inconvénients ne pourrait-il en résulter pour la société ? Quel juif souffrirait tranquillement qu'un étranger vînt jusque dans sa synagogue s'emparer du livre de la loi et le mettre en pièces ? Quel est le mahométan qui laisserait profaner sa mosquée ? Quelle est la nation païenne qui verrait de sang-froid renverser les statues qu'elle adore ? Tant il est vrai que les peuples ont condamné les profanations et les attentats commis contre les objets de leur culte. Mais, dira-t-on, le sacrilège est un péché, il n'attaque que Dieu, à Dieu seul, il appartient de le punir. Dans le sacrilège, il y a bien un péché dont le coupable répond devant Dieu, mais il y a crime aussi. Toutes les nations l'ont jugé de cette sorte. Il y a attentat public à la religion, et cet attentat est du ressort de la justice des hommes. Si la religion est le premier besoin des peuples, le premier devoir des gouvernements est de la faire respecter. Si la religion est la base des États, quiconque l'ébranle se rend coupable d'un crime de lèse société humaine. Et comment voulez-vous que la religion ne soit pas affaiblie dans l'esprit des peuples s'il voit que les atteintes qu'on lui porte demeurent impunies ? Ainsi, la loi qui ne punirait pas le sacrilège s'en ferait complice. Dira-t-on que la loi de l'Évangile est une loi de grâce ? Oui, sans doute. L'Évangile est une loi de charité. Il commande l'amour des ennemis, il défend la vengeance aux particuliers. Mais depuis quand a-t-il brisé le glaive de la justice dans les mains de l'autorité civile ? Voyez, messieurs, jusqu'où l'on pourrait être entraîné par cette belle interprétation de la charité évangélique. Il en résulterait qu'il n'y aurait plus de soldats chrétiens, ni de juges chrétiens. Il faudrait que sur le champ de bataille, le soldat attendît la mort et ne la donna jamais. Il faudrait que le juge s'abstînt de condamner les coupables, c'est-à-dire en un mot, qu'on serait lâche et prévaricateur par charité. Laissons là, messieurs, ces interprétations funestes qui ne feraient de l'Évangile qu'une loi de désordre, de désolation et de ruine. Le sacrilège, nous dit-on, ne peut atteindre le Très-Haut, sans doute dans sa majesté infinie. Dieu ne devient ni plus heureux de nos hommages, ni malheureux de nos offenses, mais il est la raison suprême. Il veut tout ce qui est raisonnable, tout ce que demande le bien des sociétés. Voilà pourquoi il veut que les gouvernements fassent respecter leur culte public sans lequel ils ne peuvent se soutenir. Il ne faut pas s'y tromper, messieurs. Le monde moral a ses lois comme le monde physique. Les sociétés n'existent qu'à de certaines conditions, et ces conditions, le peuple ne peut les violer sans tomber dans l'anarchie ou sous le joug du despotisme. Point de milieu entre le respect de la religion ou une dissolution universelle. Voilà. On nous a opposé que la religion ne pouvait prospérer par la violence. Certes, la religion ne s'établit ni par le fer ni par la flamme. Ses armes sont la patience, la persuasion et la douceur. La violence, qui peut bien faire des hypocrites, ne saurait faire de vrais chrétiens. C'est dans ce sens que les pères de l'Église ont parlé lorsqu'ils ont dit qu'il ne fallait pas persécuter les hérétiques, ni les emprisonner, ni les condamner à mort. Et nous aussi, messieurs, nous le disons après eux. Mais il faut distinguer entre un particulier qui compatit au sort du coupable et celui qui se trouverait élevé au rang de législateur. Comme tel, il porterait des lois pour prévenir ou punir les crimes. Comme chrétien, il viendrait peut-être solliciter la grâce du malheureux que ces mêmes lois auraient condamné. S'il faut que la miséricorde soit dans le cœur du prêtre, il faut aussi que la justice soit dans la tête du législateur. Ainsi, après avoir concouru à porter des lois pénales contre les crimes, nous, hommes d'Église, serions les premiers à descendre, s'il le fallait, dans le cachot où gémirait le coupable. Nous irions les premiers lui offrir les consolations d'une religion qui ne respire que charité et pardon des injures. Nous l'exhorterions à souffrir avec résignation une mort qu'il aurait méritée. Nous aurions le courage de l'accompagner sur le char funèbre, de monter avec lui à l'échafaud et de le soutenir jusqu'au dernier moment et de l'embrasser comme un frère, sous les yeux du Père commun de tous les hommes. Voilà, messieurs, la vraie philanthropie, c'est la charité du chrétien. Merci, Monseigneur, merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Louis-François Bertin de Vaux, député de Seine-et-Oise. Merci, Monsieur le Président. La loi est un contresens dans l'état actuel de nos mœurs. Quoi ? C'est au sein de ce Paris si renommé par l'élégance et par la douceur de ses mœurs qu'on vient nous proposer des dispositions pénales qui rappellent les habitudes féroces du Moyen-Âge. Nous passons notre vie entourés d'étrangers qu'attirent de toutes parts le luxe et les arts de cette glorieuse capitale. Dans un même salon sont confondus et réunis par les liens d'une bienveillance mutuelle l'allemand, disciple de Luther, l'anglais de toute croyance, le russe au rite grec, l'espagnol catholique. Jamais une parole offensante ne vient troubler l'harmonie sociale. En se communiquant ainsi, tous apprennent à s'aimer et à s'estimer les uns les autres, et tous reportent, dans les diverses contrées qui les ont vus naître, ces sentiments d'une fraternité générale. Je sais que des hommes d'un zèle sombre et ardent, pour qui l'amour de Dieu semble se composer avant tout de la haine de leurs semblables, ont essayé de flétrir cette douce tolérance. Quant à moi, je le déclare, à mes risques et périls, je vois, au contraire, dans cette douce tolérance, le triomphe de la civilisation. Ou, ce qui est la même chose, le triomphe du véritable esprit du christianisme. Et c'est au milieu de cette paix profonde, de toutes les croyances religieuses, que vous voulez épouvanter le monde par un cri de mort contre un crime imaginaire, dont la punition sanglante serait un crime contre l'humanité. Encore, si cette loi, triste héritage de la barbarie de nos pères, nous avait été transmise d'âge en âge et que des voix généreuses vinssent vous supplier de l'effacer de nos codes, on pourrait concevoir que les défenseurs des usages antiques, les admirateurs du passé, héritassent à se prêter à sa réforme. Mais aller à plaisir fouiller dans les décombres hideux du passé, mais exhumer de gaieté de cœur des coutumes atroces, heureusement oubliées. En effet, messieurs, dans ces siècles malheureux où les peuples étaient en proie à des superstitions grossières et féroces, les chefs des peuples participaient à ces funestes erreurs, à ces préjugés cruels. Leurs lois étaient inexorables et sanguinaires, mais ils ne se ménageaient pas eux-mêmes. L'histoire nous a conservé les preuves des tortures volontaires qu'ils s'imposaient. Mais vous, qui au XIXe siècle prétendez ressusciter les lois du XIIIe, si vous voulez que je vous conçoive à votre tour, montrez-nous donc la cendre où reposent vos membres exténués par le jeûne et la prière. Et quoi, vous êtes, comme nous, des hommes du monde. Vous avez toutes nos faiblesses. Vous buvez comme nous dans la coupe des plaisirs. Et c'est vous qui demandez des supplices atroces, d'horribles mutilations, de hideuses avanies dites amendes honorables. Quelle horrible chose que des lois de sang rédigées au sortir d'un banquet fastueux ou des concerts de la volupté. La parole est à Henri Gaudrey Boileau, député des Landes, monsieur le marquis de Lacaze. À ne parler même que politiquement, s'il est vrai que l'État doive forcer à se tolérer entre elles toutes les religions qu'il tolère lui-même, il ne l'est pas moins qu'il doit nécessairement donner l'éclat et les prérogatives convenables à celle qui est la sienne et celle du plus grand nombre. Il le doit. nonobstant les clameurs des autres religions, qui auront toujours intérêt à la regarder comme tyrannique, de quelque tolérance qu'elle use envers elle. C'est peut-être même en ce moment ce qui cause tant de réclamations contre la loi proposée. Nous sentons aujourd'hui la vérité de ce que dit Montesquieu. Quand on est maître de recevoir dans un État une nouvelle religion, il ne faut pas l'y établir. Quand elle y est établie, il faut la tolérer. Mais le mal n'est pas réparable. La parole est à Monsieur Benjamin Constant, député de la Seine. Messieurs, je ne connais point d'État plus déplorable que celui d'un peuple sans foi religieuse. Mais la religion seule donne à la vertu toute sa douceur, toute son élévation, toute sa pureté. Je ne puis cependant voter la loi qui vous est proposée. Je dois repousser cette loi comme protestant. Car sa définition du crime de sacrilège implique la reconnaissance d'un dogme particulier à l'Église catholique. Il est triste, messieurs, de relever ainsi les barrières qui séparent deux cultes entre lesquels l'adoucissement des mœurs, le progrès des véritables lumières, la charte, enfin, semblait avoir établi une concorde sincère. Mais puisqu'on nous parle dans cette enceinte le langage des théologiens catholiques du XVIe siècle, je suis forcé de parler à mon tour celui des réformateurs de la même époque. Qu'est-ce que le vol ? L'acte matériel d'enlever la propriété d'autrui. Qu'est-ce que le meurtre ? L'acte matériel d'attenter à la vie d'un autre. L'opinion du coupable ne change rien à la nature de ses actes. Maintenant, qu'est-ce que le sacrilège ? Un attentat sur Dieu lui-même, renfermé par un miracle, suivant l'Église de Rome, dans l'hostie consacrée. Celui qui ne croit pas à ce miracle commet un crime odieux, révoltant, mais il ne commet pas un sacrilège. S'il n'y croit pas, il est très criminel d'avoir outragé la religion dans ses augustes cérémonies. Il mérite un châtiment exemplaire. Il doit être réprimé sévèrement comme perturbateur. Mais il n'est pas sacrilège. Pour qu'il le fût, il faudrait, chose impossible, qu'il commît son crime avec la persuasion que dans l'hostie consacrée, il atteint le Dieu vivant, lequel Dieu peut le réduire en poudre et le livrer à des tourments éternels. « Quoi ? S'écrie-t-on. Il suffira de ne pas croire pour être innocent. » Non pas pour être innocent d'un autre crime, mais pour ne pas être coupable du crime indiqué par la loi. Que punissez-vous ? Ce n'est pas l'acte matériel. Ce n'est pas l'intention perturbatrice, c'est uniquement, exclusivement, le défaut de respect provenant du défaut de croyance au dogme de la présence réelle. En d'autres termes, vous punissez l'hérésie. Ceux qui exigent la loi veulent faire consacrer un principe dont les déductions effroyables se développeront plus tard. Alors on rendra successivement à la religion toutes les lois qui la protégeaient. Et ces lois s'étendaient, vous le savez, des sacrilèges aux blasphémateurs, des blasphémateurs aux hérétiques. En consentant à cette première loi, le ministère sacrifie et la charte et les droits des cultes qu'elle promettait de protéger et la sainteté de la religion et les intérêts de l'humanité. Et la paix de la France. La charte dit, article 5, « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte une égale protection. » Lisez maintenant les apologistes du projet. Tous se félicitent de ce que la loi met enfin un terme à ce qu'ils appellent l'amalgame des différents cultes. Et comment la loi fait-elle cesser cet amalgame que ses orateurs nomment un scandale ? En accordant, telles sont leurs paroles expresses, une garantie spéciale, particulière, par conséquent privilégiée au culte catholique, c'est-à-dire une garantie que les autres cultes ne possèdent pas. À Dieu ne plaise qu'en me plaignant de cette inégalité de protection, j'ai le dessein de réclamer pour la religion que je professe une protection d'un genre semblable. Nous avons été longtemps martyrs, jamais nous ne deviendrons persécuteurs. Messieurs, ce projet, présenté sous des couleurs si pieuses, ce projet destiné à faire refleurir la religion, est peut-être le plus grand outrage qu'on ait pu faire à la dignité de la religion. Je ne parle pas de ces formes légales de constater ce qui est à vos yeux le plus saint, le plus auguste de vos mystères. Je ne vous parlerai pas non plus de ces subtilités que je serais tenté d'appeler profanatrices, à l'aide desquelles une métaphysique confuse est en quelque sorte jouée de la religion. Mais je vous parlerai de l'intolérance des religions fausses, données en leçon au christianisme, des persécutions anciennes en faveur de cultes absurdes cités pour introduire la persécution dans un culte vrai. Les blessures faites à la fortune des peuples peuvent se cicatriser, les blessures faites à l'humanité, à la conscience, à la religion sont d'éternelles sources de malheur et de troubles. Messieurs, je vous remercie de la courtoisie qui a présidé, comme à l'habitude dans cette chambre, au débat sur cette loi importante que je voudrais mettre aux voix dans le même climat, si vous le souhaitez. Qui est pour la loi sur les sacrilèges ? 210 voix. Qui vote contre ? 95 voix. Un mois après ce vote, en avril 1825, Charles X, le nouveau roi, rejoint Reims pour son sacre, le dernier de notre histoire. L'événement paraît étrangement gothique au chansonnier Béranger, au pied des prélats cousus d'or, Charles X, son confiteor. La colère montante contre le cléricalisme, l'assimilation du roi au parti jésuite font que la loi de 1825 ne sera jamais appliquée. La monarchie de Juillet l'abolira dès octobre 1830. La séance était ouverte, nous étions au théâtre du Vieux Colombier avec nos interprètes Pierre-Louis Calixte, Michel Favori, Éric Genovese, Jérôme Pouly, la Comédie Française, Grégoire Roqueplot et Alexis Chevalier. La restitution des textes de ces débats Isor Pisani-Ferry, qui a co-signé le livre chez Flammarion consacré au grand débat parlementaire par la marche de l'histoire, la réalisation Stéphane Ronxin, et à la technique Patrick Muller, Gilles Manet, Sandrine Bréchaud. Nous remercions toute l'équipe de ce vaisseau sacré qu'est le Vieux Colombier.